Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande Korangai, bisika nyosu bouti kuna boza ya kofanda plito, eza la bato diaspora, eza la awa na République démocratique du Congo. Na yuke boza sekwe surtout na makaboti kolega na ba sénateur, na ka olega na yebi ya Kishasa, o ka eza ki na 12 depite ya UDPS, me ba misi sénateur ata mokote. Bande kona lingi na yebisa kabino ke Congolais linga kobosa na tro. Botika makambo kobosa na so bolongoli kobosa na bo banda kolanda batu de près bo kozala na makasi ya kogere au côté du chef de l'état. Bola nda bien video na ngamoko na lobaki nini. Président Félix Tshisekedi seul contre tous. Parfois, vous avez eu analyser. Tant que vous avez analyser, vous avez analyser comme un cas éthique. Vous avez la Bible, vous avez de temps en temps. Tant que vous avez seul contre tous, vous avez deux semaines de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un na sinyala ka bino ata ba bino kono se leka ki wana eh basala ki wa J7 balamuka na robe ki non bazali ba opposante. Lui est seul contre tous. Même na parti politique na bango, ba tebele ba kenda na UDPS po ba boss wa électorat ba volu ba voter po na bango. Et loko wana bo kosa na kangote. Il n'y a pas plus traître et plus corrompu que bato ba saka na UDPS na bato ya MLC. Mais il n'y a pas plus corrupteur que bato ya FCC. Pepper des champions. Donc, FCC Ngamboyo, yende a pesa bakanyak. Spécialité n'a pas de contact à labo. Qui est-ce que nous allons débaucher? Comment est-ce que nous pouvons affaiblir? Il n'y a que la corruption. Il y a moins de corruption et kota na makile à la Congolais. Il dépense MLC, bako kakabitumba ya moulaïté. Sur le cas, il y a un bon Fatima. Vous avez beaucoup de cas. Toboy kotanga ou moune babani ko benga bino alo, kosakana na bisote, on peut te porter plainte. Alors que votre chef est passé par la corruption. Ba corrompre bango na mbongo mouke parce que ba ye ko sala moussala te. Ba ya ki y dépense ba zo a possibilité ako ye bana ba voter pour na bango. Deuxième étape, il fallait ba corrompre bango pour na mbongo mouke e bima ki sa e la ya campagne ye a ye ko zon y sa mbongo a ye ko sala commerce na ye. Ampo kongole a salaka presse na maka mounyon so a moni 5 ans eza ebele. Or tu ba mwa mbongo zwa ki pona kosa la campagne $5,000. Mais salaire ya sans amoko ba foutu yo 8,000. Ozongi si otika na 3,000. Congolais lo koso. I depesi makambo a soni. Félix seul contre tous. Na loba ki ango ele kine semene penzate e salemi. Momoni ango. Oebi, ta wana loba makambo. Mingi bazo anga na pete, bazo anga kaka boy na lobi na za grand esprit ba oseka. Parce que balinga ki ba mona nga na ba seke na bi ma papu, nde ba mona que ce type ici, Dieu envoie déjà na ba temps ya boyé. Moi je vous dis la vérité. Bozo nga na mbozo ki sa ba ele sima. 2001, Ngwanda za mboka lobaka nini contre Kabila. Atundu ye mboka lobaka nini contre Kabila. Le loyo oyo bomona ki yuma ya Kabila bokomo konuka formule nini ya kende Félix oyo bozomona yuma bokoka moye lobi ba surprise ekozala ebele. Moi je crois en lui et ça va être ainsi omoni ezala ngo pete. Son excellence monsieur le président de la République Félix Chilombo Tshisekedi. Boma Sénat. Kolukate oh non denge ya kubuma parlement te sena longola na Senegal ba longola ki sena za na dinati basi wasali ba corruption bale mbo boma yango nya pa l'argent pour payer ces gens là longola yango longola basala ki na Senegal na makisa na makisa parce que sena za na poids ding en cas de discordance na likambo moko entre assemblée nationale na sénat c'est le l'assemblée nationale qui prévaut qui prime ce qui ba yokanité ba kolanda oy assemblée nationale a osala donc pour ezan assemblée nationale boma sénat moi na papa Etienne ko souffrir mingi te boma eloko wana mbongo kufuta bango pe zate oy mbongo nyoso oh 14000 ezibile oke okay, ndokufuta bato moko boye déjà babandi na boye boma eloko wana et bandai déjà na début na dande ba kuluka gouverneur a et uzala ndenge mo boma eloko wana zwa mbongo continuer ba assainissement ba makaburu baki ya 100 jours longole eloko wana ça c'est une solution ya bamba mais j'ai dit au peuple congolais seul contre tous Félix va gagner. Ako gagner ndenge nini? Na bino oy ba obenga base. Population ndenge tellement qui est pour l'assemblée provinciale, boza na ndenge wana. Soyez capable d'empêcher ces gens de travailler, et ça facile. La démocratie exige. Vous ba gilet jaune na poto tile lo bazo manifester. Bo telema na batu wana ba contacter. Donc on essaie ba voler son bon. Pendant ce temps monsieur le président de la République, boma eloko wana. Na ide pesa ba kantire ba za ibele makasi. Ya wale basa kusokipe na makambo zako yate, basa kusokipe na ba grade, basa kusokipe na ba fonction, basa kusokipe na kuluka na kozo corruption kwa pira wapi. Ba tuebele muso so ide pesa ba zui ba candidature ba tuebele ba o basa ta pemene ya president de la République o boya kuluka misala ezali. Makambo soni. MLC quand même félicitations. Abe misi ba sénateur na ba soni mi balé. Voilà quand même, on sait c'est comme aux hommes là. Comment est-ce que c'est possible yo ba corrompre alors que yebi en tant que député tu vas gagner quand même. Et en gagnant même tu nous foutras même bien. Pour boza bo et à son parlement il y a sonné ou tu colle kaoyi. Bosali nini ya malonga zéro. Na ça pour répondre na bartoyo ba commune ba internet pourquoi le président Félix a quelque chose Papa qui t'engue Yesu. Pourquoi Zuye? Bah comment vous comment qui t'engue Yesu? Aux sciences occultes, aux francs-maçons, aux prima curia, aux bonaboyés. Le président Félix n'a pas besoin de ça. Le gouvernement congolais n'est pas une église. Bon, on va le dire quoi dans notre nabino. Il a besoin de l'expertise de qui t'engue Yesu. Il n'a que faire de la foi de qui t'engue Yesu. Et les gens qui ont écrit ça, qui insistent, c'est mes frères chrétiens comme moi. Papa, beaucoup de théologiens m'ont tout dit. Les occultistes aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils Google, dans beaucoup de macaques, boutique du grand maître Salomon. Ils sont dans l'église. Beaucoup de monde dans la bague, ils sont hommes mystiques. Ateke la kaba pasteur pour basa la miracle. Boko ta boko mona ngo baba geza na kuruwa ni kolo. Boko ta boko ta baba wa reza na bankoyi. Bamutu ba mutu ya basquelette. Boko ta na site na ABC no wana. Boko kuta ba kiti so botan na ba église de loyo. Ba passer basa na ba kiti bo bizarre. Et outé pa ya mutu grand maître. Basa ba busu ba somba ba chemise so kalati yango zo sala ngo ba miracle. Bamususu bazana bakuruya kabakata baosala la miracle bamususu bazana micro soki azolo ba ifo bondima soki asenge mbogo bokubimisa ngo na poche e uti na boutique du grand maître Salomon ya Côte d'Ivoire bo fina kitenge Yesu te l'église n'est pas modèle au Congo pas du tout l'église qui ne paye pas l'impôt mais le pasteur a des millions de dollars boutique biloko wana. Le président Félix travaille avec qui a l'expertise. Il n'a pas besoin de la religion de quelqu'un. À l'indique au Salamoussala, il y a la République, la constitution congolaise, en son article 1er, dispose que l'État congolais est laïque. On n'a pas besoin d'avoir boy. Non, non, non, non, non. Parce que l'Église, boza combien boza la kawana. Vous avez déjà eu des réponses à vos problèmes. Au Congo, on a besoin de tout ce que l'Église vraiment, c'est là qui est loco à Moutou, ya. À part l'aventure. Aux hommes, on a besoin de que ça va tourner à TV. Ils ont besoin de délivrer Moutou. Bon, filmer pourquoi. Bon, tirer un micro. Eh, tata, moi, c'est tikanga, farce sur farce. Le président Félix n'a pas besoin de ça. Il est venu travailler pour travailler l'État à ses exigences. Dans l'exigence de l'État, il n'y a pas l'Église. Je voudrais faire quelques recommandations à président Félix. Na cité na Katanga, là où j'ai grandi, c'est ma province, on a ébi un peu bien. Parce que, monsieur le président, tant que vous avez une coalition, ba finga qui est belé. Mais ce que vous avez là, comment est-ce qu'on appelle, et cohabitation. Et les gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ça n'allait rien changer. Vous allez en cohabitation, comme ministre le Coron, il continue à faire ce qu'il a à faire. Il dépêche la minute où il va cadrer à bien ma bouquet. Force à il dépêche et sa population. L'IDPS souffre de cadres. Nombre de cadres à bouquet. Sont au compte de l'autre, Augustin Kabouya, professeur Chilumbu, Jacques Chabanyu, Kabunda Kabund, Peter Kazadi, je ne sais pas qui encore, je ne connais pas trop bien Bamoussou, mais nombre de gens, il y a un cadre. IDP, c'est un parti politique de masse. Cadre de Tikalimouké. Alors, monsieur le président Félix, au Union Sokomona, il y a bien, il y a PPRD, il y a MLC, il y a ensemble, il y a. Par exemple, Kuna Nakatanga, monsieur Fabien Mouton, yoza cadre mouné na IDPS. Tu as maîtrisé le Katanga pour que IDPS se fende. Zoa Lucien Joliti Mouton, là qui n'est pas président de la République. C'est un économiste intelligent, il connaît les affaires. A maîtrisé le monde, yon se Zambie, Tanzanie, Nairobi, Afrique du Sud, Zimbabwe. Zoa Batu Aboué, personne n'est président de la République. Joliti, c'est qu'on méritait. Pesaye batu uyu basengeli. Là au Katanga, Mouyambo Kiansa. Le président, il faut travailler avec la minute uyu pour que le pays avance. On n'a pas besoin, il y a un désordre wana mususu bazako sala ça. Et donc, d'un côté à Bassi, je recommande au chef de l'État d'aller prendre une certaine dame qui se nomme Priscille Bande. Ayeba kako mobiliser ba jeune na ba femme. Monsieur le Président, Zoya na Katanga a mobilisé le Batu. Zoya Vital Souzoza à l'Assemblée nationale. Bayo que la caille de la jeunesse na Katanga. Na côté on a naïe bi na pêche au Batu. Monsieur le Président de la République, Bazala na yo. Sur le plan analyse politique, Moutoko qui commande à Koloba. Kopé sa réponse na Katanga. Zoya Monsieur Tchofo. Donc je demande à Fabien Mouton de présenter au chef de l'État, je lui ai dit Mouton. Présenter Tchofoué pas chef de l'État, présenter Priscille Pan n'est pas chef de l'État, présenter Vital Souzou n'est pas chef de l'État, pour que le Katanga respire. C'est très important ce que je suis en train de dire. Batumoussou, bah commis ma message dans mon téléphone. Bizarre. Oh, monsieur le président de la République, tant qu'on a qu'un Nairobi, il nous a déçus. Monsieur, parfois, beaucoup de temps dans l'école, pas besoin de français, mais maïl ndé za passi. C'est pourquoi Christian Bosembe a dit, les Belges nous ont empêchés de réfléchir. Tout ça a condiment. Ma question va poser que le président Félix, et c'est là qu'il précise, et lui était précis et concis. Les problèmes, oyoya, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a l'état environnement et pas une abysse on a que des boisaka autour de ça là et ça lié à la pauvreté. Il a répondu c'est lié à la pauvreté et c'est exact, on peut pas aller loin. Deuxième réponse naïe parmi ma solution, bien sûr il y a une pédagogie à appliquer, nous allons former la population ya koyeba ko reboiser pour éviter les déboisements. Mais pour cela, j'ai amené dans ma délégation un expert de il y a une technologie purement congolaise. Bon, excusez-moi, il y a un ko tambola ngaya awa. Alors ce spécialiste a créé un certain fonctionnement ya ko salela na likala moko mais eza ko pele eza ko kende très bien. Il faudrait qu'on arrive à fabriquer biloko en ebele. Pour y arriver, il dit clairement, nous avons besoin d'un financement. Qui vont financer? Bato yo ba kaka ta nzete awa. Eza oyo to sala ka makala te. Nzete ebele e le kakao e kenda ka poto. Bango va financer biso. Qui ont amené la guerre ici? Bango, ba France wana, ba Belgique ba mususu, ba ya financer. Bon, les gars qui président de la République, avant de Koloba, tu vois, le réchauffement climatique, c'est quoi? Définition. Et quel est l'impact? Et lorsque nous sommes au méridien, tout ça, pourquoi on n'a pas besoin de ça? Un chef de l'État, c'est ça. Il est concis et précis. Il laisse les techniciens à Yakina Bango expliquer. Coup de chapeau, Félix. Namoni Bangsusu Balobi, le président de la République, Baye Misakiye. Na Emmanuel Macron, na Kenyatta Uhuru, que tu dois te débarrasser de Kabila. Bino bozalaki. Bande konanga ba congolais. Bino ba diaspora na yawa. So bo monika phrase bandi que selon la source sûre, le côté zawal. Il n'est pas capable de vous le dire. Imaginez, ba sololi ba tumi sato, s'il vous plaît. Et mutu moko boye na diaspora. Asa ko banga ozonga na Congo parce que a kenda kuna lokola réfugié, il écrit que voilà ba yebisa kiye nani azala ki wana tamba zo yebisa. Vous ne savez même pas que tamba kenda ko solo là, il y a des secrets d'état internationaux qu'on ne peut pas divulguer. Parfois bino ko ba déclara kana sorti za o ba solo la kité. Mais bino ba to yo wana courage ya koloba a yebisa kiye makura ko yebisa ni. Batou va campagne contre Félix, c'est France. Batou va continuer à dénigrer, c'est France. Batou va préparer qu'il faille ouvrir comme ça l'aventure, c'est France. Dit, ce qui vous croire dans la France, Bokema. Bota la sort à Libye. Bota la sort ya Mali. Bota la banane yo, Tchad. Bota la ba pays nyonso d'abord baza na mbongo ba bengi yango franc CFA. Franc CFA. Franc ya colonie française. Franc pour la colonie française. C'est-à-dire baza ya colonie za bango tilelo. Mais vie za ndengeni. Tasko ba pays anglophone et en ndengeni. Ba Zambie, ba Malawi, ba Namibie, ba Afrique du Sud. Tala na oyo français si kazali. Pour vous voyez Kabila partout, vous le voyez un extra puissant, vous créez un monstre de Kabila vous-même. Pour la ressource qui s'affaire à Zoloba, Félix a dirigé tes Kabila Moutoro Salama Kamounion. Bravo, c'est à dire, Zéla ou Babongis, Yao et Boukaraki, et Kabila Bongis. Parce que pour la paix, Moïse Katumbi, et ça, Kabila Pesi. Ba ministre, Bazolo, la Bango, la Moussala, pour la Mouibi, Naba PD, Naba ADG, et ça, Kabila Longoli. Ba police, Bazolo, quand la Bango se va tirer, ba manifestant, et ça, Kabila Moutoua, les lots, Kabila, ils ont commis bien. Pour la nuit, Fayou, la Yibi, ça, Kabila, toute la population, que tous gardés Kabila Tana, Aoutiko, Bimisa, ba prisonnier, ba Diongo, Kabila uti ko bokisa balabala, Kabila uti ko zukuru, zo kizyo biso tozo leka na RTNC, me fayu luzo foto na yo tala di tuto zana ki nangwa o. Eza ka polisa Kabila te betaka yo. Lelo Félix, o leo felicite ye, atiki yo zo leka, esiko zengi ko leka te, me ozo finga ye. Mawa! Je vous maudis.